الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن شريعة الإسلامية لكمالها وشمولها وانتظامها مصالح العباد فإنها كما جاءت بما يصلح الناس في حال يقظتهم جاءت أيضا بأفضل الأحكام وأحسن الآداب التي يصلح بها منامهم عباد الله النوم من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال قدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى قال ربنا في كتابه الكريم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فالنوم نعمة من الله على عبده فيه يستريح الرجل من تعب نهاره وينشط به لعمل لاحق النوم هو الموتة الصغرى قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه آية عظيمة تدل على قدرة رب العالمين وفيها تذكير العباد بالقيامة أيها الناس النوم له آداب تخصه وأذكار تخصه بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها نفسه عليه الصلاة والسلام أول هؤلاء هذه الآداب التبكير لأنه كلما نام الإنسان مبكرا كلما كان ذلك عونا له على عبادة الليل وصلاة الفجر لا كما يعتاد الكثير منا تأخير النوم وربما أدى ذلك إلى عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن ينام قبل العشاء والتحديث بعدها رواه البخاري ومسلم هذا لأن النوم قبل العشاء لمن تعب في نهاره مظنة النوم عنها والكلام بعد صلاة العشاء وتأخير النوم سبب فوات عبادة الليل والأجور العظيمة فكم من الناس التلفاز أخذ عليهم ساعات طويلة للنظر لما حرمه الله سبحانه وتعالى ولا يستحي أحدهم أن ينظر التلفاز أن يشاهد التلفاز وما حرمه الله مع زوجته بجنبه وأولاده ولا حول ولا قوة إلا بالله زد على هذه الأضرار أن السهر يؤثر في الصحة والبدن والعقل ولا بأس بتأخير النوم أحيانا للحاجة كمذاكرة العلم أو إكرام الضيوف ومؤانسة الأهل. الأمر الثاني النية الصالحة، ينوي الاستعانة بهذه النوم أو بهذا النوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوسائل لأحكام الغايات. فإذا احتسبت نومك وهو عمل مباح في الأصل أجرت على نيتك الصالحة. وكان معاذ رضي الله عنه يقول: أحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي. رواه البخاري ومسلم. التوبة ومحاسبة النفس، التوبة ومحاسبة النفس قبل النوم، هذا في كل وقت وبالأخص عند النوم، لأنك لا تدري هل ستصبح للفجر. فقف مع نفسك وحاسبها قبل أن تنام، قبل أن تنام وقبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة علام الغيوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فحاسب نفسك وعاتبها على تقصيرها وظلمها وأصلحها وابكي على خطيئتك حيث ينفع البكاء والندم. وسيأتيك يوم تموت فيه أو ليلة لا ترى صباحها، تنام ولا تقوم إلا يوم القيامة. ونسأل الله التوفيق والإعانة. رابعا إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح وتغطية الأواني التي فيها طعام أو شراب. هذا لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكم من البيوت احترقت على أصحابها لتركهم هذه السنة. الأمر الخامس الوضوء. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. رواه البخاري ومسلم. وهكذا كي لا يتلاعب الشيطان بك. وهذه السنة قبل النوم حتى من الجنابة، لما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن أبا عمر أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. رواه البخاري ومسلم. ثم صلاة الوتر إذا خشيت فواتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه مسلم. فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، بل حافظ عليها، هي وصية الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تنوي قبل أن تنام قيام الليل. وهذه النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. رواه النسائي والحاكم وصححه العلامة الألباني في الإرواء. عدم المبيت وحيدا في بيته. عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة أي أن يبيت الرجل وحده أو أن يسافر وحده. رواه أحمد، صححه العلامة الألباني. فأقل أحوال الحديث أن يدل على الكراه، على أن يدل على الكراه، على الكراهية. فينبغي لمن كان واحدا أن يبحث عن من ينام معه من الطيبين. فإذا كان هذا بالنسبة إلى الرجال، فالمرأة من باب أولى أن لا تسكن بوحدها. التستر عند النوم حتى من كان بمفرده، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. نفض الفراش والتسمية، أي أن تقول بسم الله في أثناء العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخل إزاره ولينفض بها فراشه وليسمي الله، أي يقول بسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. رواه البخاري ومسلم. وسنة أخرى فيما إذا خرجت من الفراش ثم رجعت إليه، فتكرر هذه السنة لما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله: النوم على الشق الأيمن. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اضطجع على الشقة الأيمن. رواه البخاري ومسلم. وبعض الناس قد اعتادوا النوم على الشق الأيسر، وربما لا يجدون النوم على الجانب الأيمن، فنقول لهم: تعودوا واصبروا وتذكروا أن هذا الفعل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتجدون بعد ذلك السهولة. وضع اليد اليمنى تحت الخد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. رواه البخاري. ثم بعد ذلك اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النوم على البطن. النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث نهانا أن ننام على البطن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال: هذه ضعجة، هذه ضجعة لا يحبها الله، لا يحبها الله. رواه الترمذي. وقال مرة أخرى: يبغضها الله. وفي حديث أبي ذر قال: هذه مضجعة أهل النار. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. فلا نتشبه في هيهة نومكم بالكافرين أهل النار. وذكر الأطباء أن هذا مضر للكبار ويسبب الموت على الصغار، والله المستعان. ثم من هذه الآداب الكريمة أن يفرق بين الذكور والإناث، أن يفرق بين الذكور والإناث في المضاجع، لما أخرج بعض أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع حتى ينشأ الولد نشأة طيبة زكية. ثم من هذه الآداب كتابة الوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وعند مسلم ثلاث إلا ووصية مكتوبة عنده. رواه البخاري. فمن له دين مثلا أو له دين على غيره عليه أن يكتب ذلك إذا لم يكن على علم ورثته. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر هذا الحديث: فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي عندي مكتوبة، إلا ووصيتي عندي مكتوبة. كذلك اتبعوا آداب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الأدعية والأذكار قبل النوم وهي كثيرة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ برأسه ووجهه، ويعمل ذلك 3 مرات. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني، وأصله عند البخاري رحمهم الله. ويفعل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كل ليلة. وهذه رقية شرعية. قراءة سورة الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. علينا يا أهل السنة أن نحيي هذه السنة. قراءة سورة الكافرون قبل النوم، تعلموا هذه السنة واعملوا بها وادعوا الناس إليها. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. قراءة آيتين من آخر سورة البقرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. واختلف أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه. قال العلامة ابن القيم في الوابل السيب: كفتاه من شر ما يؤذيه. ويختم بآية الكرسي، يعني يجعل آخر ما يقرأ به آية الكرسي، فيكون في حفظ الله هذه الليلة ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما أخرجه البخاري ومسلم. التسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 34، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما الأدعية فهي كثيرة، أختصر في هذا المقام فأذكر لكم حديث حذيفة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك الله، أو اللهم باسمك أموت وأحيا. رواه البخاري. ولك أن تقول الرواية الثانية أيضا عند البخاري: باسمك اللهم أموت وأحيا. هي دعاء قصيرة ينبغي لنا أن نحفظها وأن نحفظها أولادنا ومن حولنا. والأدعية كثيرة، أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي على أيدينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، la législation musulmane avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une législation complète, une législation parfaite qui a englobé l'ensemble des parties de notre journée. Et cette religion, tout comme elle préserve l'homme durant sa journée et lorsqu'il est éveillé, de la même façon elle lui enseigne comment se comporter avant de se coucher et d'aller dormir. Il y a de nombreux comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés avant de nous coucher. Mais sachez avant cela que le sommeil est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala pour le fils d'Adam. Le sommeil est un des grands signes d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous montre sa puissance, sa grande force, sa sagesse et sa miséricorde envers nous. Allah dit dans son livre, donc la traduction est parmi ces signes, votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour les gens qui entendent. Donc le sommeil est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. En dormant, on se repose. On repose notre esprit, notre réflexion, notre âme et notre corps, afin d'être motivé pour les actions du lendemain et les œuvres que nous devons accomplir. Allah nous montre que le sommeil est une petite mort. À chaque fois que tu dors, sache que tu es mort. Allah nous dit dans le Coran, Allah reprend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc sache qu'à chaque fois que tu t'endors, on reprend ton âme. Et si Allah Azza wa Jal ne t'a pas écrit la mort durant cette nuit, on te rend ton âme pour que tu puisses continuer à vivre encore un jour ou encore une nuit, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal décide de reprendre ton âme. Wallahu musta'an. Voici donc un grand signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite sur la nuit et le sommeil, cela sera suffisant pour lui comme rappel pour le jour dernier. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir et nous ressuscite chaque jour, ou après chaque nuit, il y a dans cela un grand rappel pour le jour de la résurrection. Le jour où Allah Azza wa Jal va tous nous ressusciter, afin qu'on puisse comparaître devant lui, pour être jugé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique de nombreuses actions avant de se coucher. Et ici, dans ce discours, je vais essayer de vous citer certains de ces comportements. Premièrement, le fait de se coucher tôt. Car plus la personne se couche tôt, plus elle aura de la force afin d'adorer Allah Azza wa Jal à la fin de la nuit et de préserver la prière du matin. Non pas comme nous avons pris l'habitude, le fait de retarder le sommeil la plupart du temps dans des futilités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est testé dans le hadith de Abu Barza, détestait dormir avant la prière du Isha. Et il détestait parler après la prière du Isha. Dormir avant la prière du Isha, car celui qui est fatigué de sa longue journée peut ne pas se réveiller pour prier la prière du Isha. Quant au fait de ne pas parler après le Isha, de ne pas s'étaler dans des discussions après le Isha, car cela t'empêchera de te lever pour adorer Allah Azza wa Jal une partie de la nuit, ou pire encore, t'empêchera de préserver la prière du Fajr, comme Allah Azza wa Jal le veut de toi. Et combien sont les gens qui, de nos jours, passent leur nuit, ou bien une grande partie de leur soirée, de leur nuit, devant la télé, à regarder des choses qu'Allah Azza wa Jal a interdites, et tu trouves cet homme qui n'a pas honte de regarder des choses interdites devant sa propre épouse et devant ses enfants. Comment est-ce que ces enfants vont grandir alors que depuis tout petit, ils sont restés devant la télé et ils ont vu leurs parents regarder la télé, des feuilletons dans lesquels on apprend aux gens la mécréance, dans lesquels on apprend aux gens la dépravation, dans lesquels on apprend aux gens la fornication et tout ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala et délaissez le péché. Un des autres comportements, et avant cela, une remarque, après avoir cité ce point, sachez qu'il est permis de temps à autre de retarder le sommeil pour de bonnes raisons, comme le fait de réviser la science, ou comme le fait de discuter avec ses invités et d'honorer ses invités, ou le fait d'accorder du temps à sa famille. Le point suivant, le fait de dormir avec une bonne intention. Le deuxième comportement, le fait de mettre une bonne intention lorsque tu dors. Mais l'intention de reposer ton corps afin qu'il soit plus fort le lendemain pour adorer Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne valent que par leur intention. Les actions ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Donc si tu mets une bonne intention avant de dormir, tu seras récompensé alors que tu es en train de dormir. Et Mu'adh radiallahu anhu disait, j'espère la récompense lorsque je dors, tout comme je l'espère lorsque je suis réveillé. Donc les pieux prédécesseurs avaient compris que le fait de mettre une bonne intention en dormant est une cause pour avoir la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième comportement, le fait de se repentir et de faire ses comptes avant de dormir. Car nous avons tous des péchés, des manquements. Car nous opprimons nos propres personnes et les autres. Et chaque personne a donc des manquements. Alors avant de dormir, sache que tu ne sais pas si tu te réveilleras au matin. Tu ne sais pas si Allah Azza wa Jal te permettra de vivre jusqu'au matin. Donc tu dois avoir peur de rencontrer Allah Azza wa Jal avec ses manquements, avec ses injustices, avec ses défauts. Donc assis-toi et médite sur ta situation. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine, ce mois? Qu'est-ce que tu as fait durant ta vie? Fais tes comptes et fais des reproches à ton âme. Fais des reproches à ton âme. Et demande-toi si Allah Azza wa Jal sera satisfait de toi le jour où tu seras ressuscité et tu devras comparaître devant lui. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde ce qu'elle a apporté pour demain. Demain dans ce verset, c'est-à-dire Yom al-Qiyamah. C'est un jour qui est tellement proche et dont nous sommes distraits qu'on l'a appelé demain. Donc fais tes comptes avant le jour où on les fera pour toi. Et pleure avant que les larmes ne servent plus à rien. Et rappelle-toi qu'à chaque fois que tu pars te coucher, tu ne sais pas si tu te réveilleras. Et combien sont les gens, et wallahi même des couples, nous avons eu connaissance de certains couples, l'homme et la femme s'endorment et ne se réveillent jamais. L'homme et la femme s'endorment et ne se réveillent jamais. Donc, lorsque tu te couches, dis-toi que peut-être jamais tu ne te réveilleras. Donc demande pardon à Allah Azza wa Jal, car peut-être que tu te lèveras que pour comparaître devant Allah le jour dernier. Wallahu musta'an. Le quatrième comportement, le fait de fermer les portes, d'éteindre le feu, les lanternes, et de couvrir tous les récipients contenant de la nourriture ou de la boisson. Comme l'a rapporté Jabir ibn Abdillah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une nuit, il y a eu un feu. Il y a eu le feu dans une maison à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit aux compagnons d'éteindre le feu avant de dormir, car le feu est pour nous un ennemi. Et on a souvent entendu des incendies dus au délaissement des gens, des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième comportement, le fait de faire al-wudu avant de dormir, le fait de faire les petites ablutions avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme tu les fais pour la prière. Fais tes ablutions comme tu le fais pour la prière. Et sachez qu'en faisant cela, il y a une protection contre le shaitan et ses insufflations et ses nuisances durant le sommeil. Et ce comportement est à faire même pour la personne qui est en état de janaba, la personne qui a eu un rapport avec son épouse, qu'il ne se dise pas al-wudu, c'est que pour celui qui n'est pas en état de janaba. Car Omar ibn al-Khattab a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, est-ce qu'on peut dormir en état de janaba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oui, vous pouvez dormir en état de janaba après avoir fait al-wudu. Après avoir fait al-wudu. C'est donc une sunnah à faire pour celui qui est marié et celle qui est mariée. Le sixième comportement, le fait de prier Salat al-Witr, la prière du Witr, donc un nombre impair, pour celui qui a peur de ne pas se réveiller avant le Fajr. Mais pour celui qui est sûr, par l'aide d'Allah, de se réveiller avant le Fajr, le mieux c'est de retarder la prière du Witr avant Salat al-Fajr. Abu Huraira nous dit, mon bien-aimé m'a fait trois recommandations. De jeûner trois jours par mois, de prier deux unités de prière après le lever du soleil, Salat al-Duha, et le fait de prier Salat al-Witr avant de dormir. Car Abu Huraira étudiait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son cas, lui a dit de prier Salat al-Witr avant de dormir. Et Salat al-Witr n'est pas une obligation, al-Sahih, mais c'est une sunnah mu'akkada. C'est une sunnah qu'on a beaucoup appuyée et qui ne convient donc pas de délaisser. Chaque musulman et chaque musulmane doit prier Salat al-Witr autant que possible. Le septième comportement, le fait de mettre l'intention de prier la nuit, de faire qiyamul layl. Le fait de mettre l'intention avant de dormir, de qiyamul layl. Abu Darda radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui rentre dans sa couche, au jour d'aujourd'hui on dirait dans notre lit, dans le lit, et met l'intention de se lever pour prier la nuit, puis qui n'arrive pas à se réveiller jusqu'au matin, c'est-à-dire pour Salat al-Fajr, alors on lui écrira les récompenses de l'intention qu'il a. Donc celui qui met l'intention de faire Qiyamul Layl, puis ne se lève pas durant la nuit, Allah Azza wa Jal lui écrit quand même la récompense. Le septième comportement, le fait de ne pas habiter tout seul. Le fait de ne pas habiter tout seul. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ou déconseillé cela. Des savants ont donc dit, pour la personne qui vit tout seul, il lui faut chercher quelqu'un pour habiter avec elle. Une personne de noble caractère. Et si cela est valable pour l'homme, à plus forte raison pour la femme. Le neuvième comportement, le fait de se couvrir lorsque tu dors. En d'autres termes, le fait de ne pas dormir tout nu. Akramakumullah. Et cela, même pour la personne qui habite toute seule. Il ne convient pas de dormir sans rien sur le corps, sans vêtements. Et lorsque la question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas où il n'y a personne dans la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Allah mérite plus de vous que vous ayez de la pudeur envers lui. Lorsque tu es tout seul, rappelle-toi qu'Allah Azza wa Jal te voit. Le dixième comportement, le fait de passer ta main sur ton lit afin d'enlever ce qui aurait pu être en disant Bismillah, c'est-à-dire de la sorte. Tu nettoies le dessus de ton lit en disant Bismillah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre dans son lit, qu'il prenne l'intérieur de son isa, donc le vêtement, et qu'il passe sur le lit en disant Bismillah. Je ne saurais pas comment traduire, mais c'est le fait de faire ce geste-là. Comme lorsque tu nettoies quelque chose. En disant Bismillah. Car il ne sait pas ce qui a pris sa place avant qu'il y entre. Ceci est une sunnah. Une seconde sunnah dans le même sujet, c'est lorsque tu te lèves. Donc tu étais couché et tu te lèves. Lorsque tu reviens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de refaire cette sunnah. Car on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans le lit ou quelqu'un qui a pris notre place. Le dixième comportement, le fait de dormir sur le côté droit du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux compagnons et leur a dit, allonge-toi sur le côté droit. Et nombreux sont les gens qui disent, moi j'ai l'habitude de dormir sur le côté gauche, ou j'ai l'habitude de dormir sur le dos, et je ne trouve pas le sommeil lorsque je me couche sur le côté droit. On dit à ces gens le conseil qu'a dit le grand savant Salih ibn al-Uthaymeen, prenez l'habitude, forcez-vous et patientez, et rappelez-vous que cette action est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans peu de temps vous verrez une grande facilité à mettre en pratique cette sunna. Le douzième comportement, le fait de mettre la main droite sous la joue. Donc tu te couches sur le côté droit et tu mets ta main ainsi. Tu mets ta main de la sorte sous ta joue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se couchait, faisait ainsi, comme cela a été rapporté par Hudhayfa dans le recueil de l'imam al-Bukhari. La sunna suivante, c'est un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou une interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un homme qui dormait sur le ventre. Il l'a poussé de son pied pour le réveiller et le déranger, ou plutôt pour qu'il se réveille. Il lui a dit, ne te couche pas ainsi, car c'est une façon qui ne plaît pas à Allah. Dans un autre hadith, il a dit à la personne, c'est une façon qu'Allah déteste. Et dans un troisième hadith, il nous dit, c'est la manière de s'allonger des gens de l'enfer. Donc le fait de dormir sur le ventre n'est pas une bonne chose. Le fait de dormir sur le ventre n'est pas une bonne chose. Le prochain comportement concerne les enfants. Et ce conseil s'adresse donc aux parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils atteignent 10 ans. Ou plutôt, ordonnez à vos enfants la prière lorsqu'ils atteignent l'âge de 7 ans. À 10 ans, corrigez-les s'ils ne l'accomplissent pas. Et séparez-les dans les lits. Donc à 10 ans, tu ne dois pas laisser dormir les enfants dans le même lit. Que ce soit les hommes, les garçons et les filles, ou les hommes entre eux, ou les filles entre elles. Le comportement suivant est un comportement duquel nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, très distraits. C'est le fait d'écrire son testament ou des recommandations avant de mourir. Abdullah ibn Omar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne convient pas à un musulman qui possède quelque chose de dormir deux nuits d'affilée sans avoir écrit son testament. Sans avoir écrit son testament ou à l'avoir auprès de lui. Dans une autre version, trois nuits. Abdullah ibn Omar a dit, depuis que j'ai entendu ce hadith, je ne passe pas une nuit sans avoir mon testament proche de moi. Ou mes recommandations proches de moi. Particulièrement pour celui qui a des dettes. Ou auquel on doit quelque chose, si ses héritiers ne le savent pas. Le comportement suivant, les invocations et le Coran à réciter avant de dormir. Aïcha nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couchait, il joignait ses mains, donc de la sorte, et il poussionnait trois fois dans ses mains, de la sorte, et il disait, il récitait « Qul huwallahu ahad ». Entièrement ensuite, « Qul a'udhu bi rabbil falaq ». Entièrement ensuite, « Qul a'udhu bi rabbil nas ». Entièrement, et il passait ses mains sur sa tête, sur son visage et tout ce qu'il pouvait atteindre de son corps. Et il faisait cela en tout trois fois. Et sachez que ceci, ou bien que cela est une ruqya. Et elle nous dit, radiallahu anha, il faisait cela toutes les nuits. Donc, tu joins tes mains ainsi, tu poussionnes trois fois dedans, tu récites les trois dernières sourates du Qur'an. Et ensuite, tu passes sur ta tête, ton visage et ce que tu peux atteindre de ton corps, sur ta peau. Sur ta peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à réciter Surat al-Kafirun. Et nous dit, récite Surat al-Kafirun, puis dors. Si tu fais cela, te sera écrit le fait de te désavouer du polythéisme. Celui qui avant de dormir a récité Surat al-Kafirun, puis est parti dormir, on lui écrira comme s'il s'est désavoué du polythéisme. Le fait de réciter les deux derniers versets de Surat al-Baqara. Le fait de réciter les deux derniers versets de Surat al-Baqara. Aman al-Rasul. Jusqu'à la fin de la Surat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite les deux derniers versets de Surat al-Baqara, elles lui seront suffisantes. Les savants ont dit, c'est-à-dire contre le mal de ceux qui peut le toucher cette nuit, et d'autres ont dit d'autres explications. Ensuite, tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois. Donc tu dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois, comme dans le hadith de Ali, dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et avec cela, tu auras plus de force pour le lendemain. Parmi les invocations que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais citer que cette dua car elle est courte et on peut tous la mémoriser. Il disait Bismika Allahumma amut wa ahya. C'est en ton nom, ya Allah, que je vis, ou bien que je meurs et je vis. Bismikallahumma amutu wa ahya. Il nous faut mémoriser cette dua et l'enseigner à nos enfants et à nos proches. Et tu conclus, après avoir dit les autres invocations, avec Ayatul Kursi, le verset du repose-pied, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela et nous dit, celui qui récite Ayatul Kursi sera préservé par Allah et aucun shaytan ne pourra l'approcher, et ceci jusqu'au matin. واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم